cherche pas, ne t'inquiète pas. La vérité dort au fond de toi. Réveille-la, elle brillera comme un diamant de 100 carats. Oh, on vient, on va, on fait tant de pas pour trouver ce qu'on a sous les doigts. Elle a ta voix, elle est comme toi. La vérité, mon ami, c'est toi. Pas, ne t'inquiète pas, la vérité dort.